Adieu, pauvre carnavas, tu te mas et mentoni, adieu, pauvre carnavas, adieu, ta belle jeunesse, maïtisias, un diverti. Acaba te riceso, mai deves te repenti. Se sverai castari paio, cas danza din nepalai. Vai esta nasi la paio, e plen de fen comunai. Adieu che ci c'ala vos, che ci sia vista duram. Adieu l'isso che scampavo a rolar o da vira. Ti può cambiare regime, e si vuoi spallo subir, per ti peni de ti crime. Chabin. Adieu vieil paire délaissé, l'occane m'est arriva, est le jour de la justice, adieu te que vas créva. Tout le peuple ti saludo, et sans toi et tu t'aimas, ta derrière où pauvre carnavas, adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre carnavas, tu t'en vas et m'entonnes, adieu pauvre.